contes fées, l'univers de Louise Desmond. Margot aime les ragots. C'est pas une méchante fille. Non, c'est pas une méchante fille, mais elle aime les ragots. Ou elle en a de disponibles, ou ben elle en invente, c'est pas grave. Hein. Justement, ce jour-là, il y a le pauvre Jean qui passe devant elle, et elle est avec des commères, et patati, et patata, et patati, et patata, et blablabla. Et elle voit Jean. Jean, c'est le loser par excellence. Jean, il a pas de chance. Il est mal foutu. Il est vraiment pas beau, Jean. Il a rien. Il a des problèmes. Il a plus de parents. Il est pauvre. Vraiment pauvre. C'est un pauvre pêcheur. La pêche est rarement bonne. Le bateau est minable. Sa voile est rapiécée. Il n'a pas de chance. Ce jour-là, il passe et puis il a une maigre pêche. Il fait signe à Margot de la tête avec un grand sourire. Les commères commencent à blablabla, blablabla. Bla. Et Margot regarde Jean. Ouais, d'accord, il n'y a pas de chance. Mais dis-moi, son poisson, il n'est pas très frais, non? Et puis, c'est bien le sien. Je me suis laissé dire qu'il ramassait les poissons jetés. Tu sais, après le marché, ceux dont personne ne voulait. Il n'est pas très net. Et est-il si honnête que ça? Et blablabla, et blablabla. Mais souvent, langue médisante rencontre oreille complaisante. Et la rumeur enfle. Bientôt, plus personne n'achète le poisson de Jean. Doute et suspicion. Jean ne comprend pas, il a toujours eu de bons rapports avec tout le monde. Il ne comprend pas pourquoi plus personne ne veut de son poisson. Un jour, alors que l'orage gronde, comme ça, la rumeur lui revient en pleine figure. Il apprend que son poisson, ce serait pas le sien, qu'il serait pas frais, qu'il serait limite volé. Alors Jean, chagrin plein le cœur, il sent une espèce de hargne de monter. Je vais leur prouver, moi, que ce poisson, c'est le mien, que je l'ai bel et bien pêché moi-même. Et Jean de sortir. Et les gens lui disent, non, Jean, ne sors pas. Le temps est vraiment pas à la voile. La mer est mauvaise. Il y a de l'orage. Non, n'y va pas. Mais Jean, trop de chagrin. Trop, c'est trop. Il prend la mer. Il s'en va. Il n'est pas rentré, Jean. Alors Margot, un peu mal à l'aise, y est allée le lendemain. Jean n'est pas rentré. Le surlendemain, Jean n'est pas rentré. Et ceci pendant 8 jours. Jean n'est jamais rentré. Elle s'est rendue compte, Margot. Elle sait. Elle sait que c'est de sa faute. Elle sait que ça a été le ragoût de trop. Elle court chez sa vieille nourrice pour lui expliquer, pour chercher une solution. Qu'as-tu fait, Margot? Et Margot lui raconte. Et pourquoi as-tu donc raconté ces horreurs? Comme ça, pour m'amuser, parce que j'aime bien. Oui. Mais je ferais n'importe quoi, tu entends? N'importe quoi, pour reprendre ce que j'ai dit, pour refaire revenir Jean, pour que ce soit jamais arrivé. Tu vois ce poulet sur la table, Margot? Oui. Eh bien, écoute, tu vas le prendre, tu vas te mettre au bord de l'eau, et tu vas le plumer. Mais attention, il ne faut qu'il ne reste plus rien. Et tu me ramèneras le poulet. Heureuse de voir une issue, Margot attrape le poulet et court près de l'eau. Et elle le plume. Elle le plume avec une énergie pas possible. Elle le plume. Et quand le poulet est complètement nu, elle va voir sa nourrice. Bien. Alors, Margot, l'as-tu bien plumé? Oh oui, ma nourrice, regarde. Alors tu vois maintenant, Margot, tu vas retourner au bord de l'eau et tu vas me ramener toutes les plumes. Et surtout, qu'il n'en manque pas une. Mais enfin, nourrice, c'est pas possible. Le vent les aura emportées au large ou vers les terres. Je peux pas les rattraper. Eh bien, tu vois, Margot, il en est des paroles comme des plumes au vent. Une fois envolés, on ne peut plus les rattraper.